rêves où il se perd entre les grands nuages blancs. La première fois, c'était si froid. Porte sur ses masques nuageux. Et à toujours et à jamais, il me dirait qu'il avait la beauté du si fort. Je me souviendrai de cette première fois quand j'ai vu ce regard rêveur qui porte sur ses masses nuageux.